Second Timothée chapitre 2. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des personnes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, endure les travaux, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est point couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement, et ensuite il recueille les fruits. Considère ce que je dis, or le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile. Pour lequel je souffre beaucoup de maux, jusqu'à être mis dans les chaînes, comme un malfaiteur, mais cependant la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, que si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes des perfides, il demeure fidèle, il ne se peut renier soi-même. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on ne dispute point de parole, ce qui est une chose dont il ne revient aucun profit, mais elle est la ruine des auditeurs. Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. Mais réprime les disputes vaines et profanes, car elles passeront plus avant dans l'impiété. Et leur parole rongera comme une gangrène, et entre ceux-là sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité, en disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. Or, dans une grande maison il n'y a pas seulement des vaisseaux dorés d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns à honneur, et les autres à déshonneur. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vaisseau sanctifié à honneur, et utile au Seigneur, et préparé à toute bonne œuvre. Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. Et rejette les questions folles qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, afin d'essayer si quelque jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable, par lequel ils ont été pris pour faire sa volonté.